Oui, t'as eu ta chance. Moi, je t'aurais sans doute fait du mal. Car oui, je sais, je ne suis pas normal. Car oui, je sais, je suis pas banal. Oui, j'ai bien dû croire en autre chose que vous. Mais quelqu'un m'a planté. Mais chacun a sa vision et chacun a ses propres convictions. Chacun voit sa seule réalité. Chacun dans ce monde n'a qu'un pied. Et l'autre de l'autre côté. T'as eu ta chance. Moi, je t'aurais sans doute fait du mal. Car oui, je sais, je ne suis pas normal. Car oui, je sais, je suis pas banal. Oui, j'ai bien dû croire autre chose que vous. Mais chacun a sa vision et chacun a ses propres convictions. Chacun voit sa seule réalité. Chacun et l'autre de l'autre côté. Tout ce que l'on a pu apprendre avec toi, mon ami, les astres, l'infamie. Que voulais-tu que j'y fasse? Je ne suis pas aussi doué que toi. Tout ce que l'on a pu lire, tout ce que tu as fait pour nous, cela était trop bon. Être trop gâté comme ça, j'ai eu peur de savoir. J'ai reculé d'un pas. Sur l'étole de l'hangar, j'ai appris l'équilibre est instable. Je n'y remonterai pas, tu as beau me le dire, je ne suis plus à toi. Prouvant que par des cieux plus propices on y a. Pourquoi tant de haine? Pourquoi la peur? Pourquoi combattre les ombres? Pour quelle raison? Le début? Pour quel Dieu? Pour quelle loi? Pour un prophète? Pour un gourou? Pour un dictateur? Solution, c'est de tuer cet enfer foiré, cet enfer humain qui ne sert à rien. Ils nous prennent pour des cons, tu vois. Je la comprends, cette terre en a marre de se voir piller. Sans rien en récompense. Alors elle tonne, elle Des vagues, des pluies acides pour les noyer de la neige pour les faire chier de la chaleur. Espérons. Non, j'ai vu l'aurore.